26. Les logiciels libres et les biens communs créatifs. Lu par François Schnell. Les logiciels libres et les biens communs créatifs. Nous sommes en 1976. Bill Gates, alors jeune patron en colère d'une petite entreprise américaine de logiciels, 3 salariés, prend la plume dans un magazine pour fondu de la micro-informatique alors naissante. Dans sa tribune publiée dans Computer Notes, il explique que lui et ses collègues ont mis au point une version du langage basique afin de piloter les Altaïr, l'une des toutes premières machines destinées aux particuliers. Mis sur le marché en 1975, pour moins de $400, l'ordinateur se présente alors comme une sorte de boîtier sans écran ni clavier, dont la façade arbore des petites manettes et une série de diodes. Son succès est immédiat parmi une communauté particulière et promise un avenir mythique, celle des bidouilleurs mordus d'électronique et d'informatique, dont une concentration impressionnante habite dans la Silicon Valley, en Californie. Ces maniaques aux cheveux longs, le jeune entrepreneur les appelle les hobbyistes, et il leur en veut beaucoup. La raison ? S'il affirme avoir reçu des réactions positives de la part des centaines de personnes qui utilisent son programme, la plupart de ses utilisateurs n'ont jamais acheté le basique, ils l'ont copié. Ils reproduisent en cela l'attitude qu'ils ont toujours eue dans leurs laboratoires et leurs universités, où le code informatique se donne, s'échange, se modifie à façon. « Vous êtes tout simplement des voleurs », leur dit-il. Et il s'insurge contre l'attitude en vogue qui consiste à décréter, je cite, « qu'il faut bien acheter le matériel, mais le logiciel est quelque chose que l'on partage, qui se soucie de rémunérer les gens qui ont travaillé pour le produire ». Fin de citation. Bill Gates et sa microscopique société Microsoft, avec un S majuscule, n'aura pas trop souffert de ces vols. En 2003, Microsoft, avec un petit S, comporte plus de 55 000 salariés. Au 30 juin 2003, la firme avait vendu pour 32 milliards de dollars de logiciels sur les 12 derniers mois et réalisé un bénéfice proche de 10 milliards de dollars. Le produit phare de Microsoft s'appelle Windows et est le centre nerveux de plus de 90% des ordinateurs personnels dans le monde. Protégé par le droit d'auteur, des secrets de fabrication et de multiples brevets, les programmes conçus par la société de Bill Gates ont fait de lui l'un des hommes les plus riches du monde. Et qui sont désormais les plus grands concurrents de Microsoft ? Les logiciels libres, Linux en tête, des programmes accessibles gratuitement, conçus par des milliers de programmeurs dans le monde au nom du partage et du libre accès. Partout sur la planète, ces programmes grignotent les parts de marché de la multinationale avec le soutien de plus en plus appuyé de nombre de gouvernements qui voient là tout à la fois une source d'économie et un outil puissant pour faire pièce à la domination de l'omniprésente société. Près de 30 ans après son cri de colère dans Computer Notes, Bill Gates n'en a pas fini avec les partageux. Pire, ils sont en train de démontrer que le modèle choisi par Microsoft est fondé sur une propriété intellectuelle restrictive n'est sans doute pas le plus efficace pour concevoir des logiciels.